ramène pas tes 2000. T'as la maisonnette. Ne troque qu'un mon lobby, il est malhonnête. J'suis jamais pompette, arrête de nous pomper. Ton terrier centre comme tout seul tu vas penser, j'suis dans la misère. Hey, oh, au bout du tunnel, j'vois la lumière. Ça sent la potence, longtemps qu'on y bosse. Hey, la question j'pose plus sur Lyon, sans c'est nous les boss. C'est rarara, y'a trop de falala. Elle veut que j'monte sur Paname, mais j'aime pas là-bas. Ces rappeurs sont bons qu'à parler, j'aime pas ce tralala. J'ai trouvé Faya sur le canapé de Benny Bra. Ta bitch veut que je la console, donc je la fais console. Défoncé devant la console, moi je suis jamais tout seul. On est beaucoup dans mon équipe, je suis accro au liquide. Papier ou bien sirop. Toi tu fais que mentir gros, cette voix ne va pas t'en tirer, c'est mon zop va sentir haut. Elle se plaint lui comme un vampire, ton équipe c'est les pires. Ouais les pires losers, le cul ta soeur sur braseur. Ouais j'ai vu le teaser, je suis avec les petits et là, la plupart teaser. Ta zouz veut plus partir, la plupart teaser. Et ta zouz veut partir, la plupart teaser. J'inviterai pas la flamme des poteaux visés par les femmes. Son tu jeu des formes sous escorte dans le monde et au fort. J'ai la banane, j'suis en forme, j'suis naze, viens me le dire en face. T'es une dame, ta vie, une farce, j'me barque, c'est non éclat comme ça. RD, c'est la même, partage, la merde. L'ordi fait que laguer, pourtant j'leur fais la guerre. Bas les couilles, j'tache mes sapes, délivrerai pas de message. Là pour péter les sas, j'suis dans le truc comme CK ou Sésame. J'ai une chance, j'vais la saisir, et sous ses airs, elle a ses su. Plus déçu, qualité quantité, tu me check, j'ai pas quitté.